Namoni kaka to boyana Masengi nyamale kimingyo Misapi nalitia Pona nini tina nini pona yomanase Ataba inakande kwa mobali boyete Bakole mbisa kasinga homo kemuke Manase menase manase Nami pesi nyoso mone lingai manase Bali boyete bakole mbisa kasinga omoke moke manase menase manase na mipesi nyoso monelinga imanase tina nini pona ruka yo na bolingo Kimingo Misa penalty ya Wana nini tina nini pona yo manase Ataba inakande kwa mobali boyete Bakole misa kasinga omoke moke Manase menase manase Na mipesi nyoso monelinga imanase Bali chéri, il n'est pas fait vraiment ici bas. Limi saka et ma bali chéri, il n'est pas fait vraiment ici bas. Limi saka et ma bali chéri, il n'est pas fait vraiment ici bas. Manasse menace et baka kolimi sae. Limi saka et ma bali chéri, il n'est pas fait vraiment ici bas. Bako inaka moninga boyete yebaka kolimbisa mama Limbisa te ya mabali chéri, nile pafe vraiment ici bas Nazali bolonga nina yo, likanja inabondela yo Limbisa te ya mabali chéri, nile pafe vraiment ici bas Manase menase, libisa ka moninga na yo Limbisa te ya mabali chéri, nile pafe vraiment ici bas belle chérie, nul n'est parfait vraiment ici bas. Bon non gagné au kelengai mama, pardonne ngai mama. Limisa kaya ma belle chérie, nul n'est parfait vraiment ici bas. Manasse menace, yebaka ko pardonne ngai. Limisa kaya ma belle chérie, nul n'est parfait vraiment ici bas. Oh manasse, pardonne ngai mama. Limisa kaya ma belle chérie, nul n'est parfait vraiment ici bas.